Chapitre 9e, la célébration des noces. Le temps marchait. Le soleil déclinait à l'horizon. Des nuages roses se balançaient dans l'azur. Le soir approchait, tiède et doré. L'île exhalait un enivrant parfum. Une musique pleine de langueur s'éleva du palais. Tous les gens de l'île, en leurs habits de fête, se pressaient au bas des grandes terrasses de marbre dominant la mer. Et ils virent paraître, sous leurs blancs vêtements de fiancés, tout de satin et de perles, le prince et la princesse. Vierge et seigneur, éblouissant de jeunesse et de parure, suivaient. Et au milieu d'eux s'avançait le vieux mage Aldébar, couvert de ses ornements sacerdotaux. Ce groupe lumineux brillait d'un éclat suprême et mélancolique dans les obliques et derniers rayons du soleil. Le couchant cependant devenait pourpre, et les voiles des barbares se teignaient de sang. La voix du mage s'éleva, profonde. Souverain de l'île rêve, devant la mort inévitable que du moins notre volonté peut choisir, je consacre vos noces spirituelles, afin qu'un dernier reflet de songe et de poésie dore votre sommeil. Orlys, consens-tu à épouser l'âme de Férimonde ? Férimonde, consens-tu à épouser l'âme d'Orlys ? Ils répondirent, oui. Je vous unis donc dans le rêve seul. Que vos tristes corps que la mort va dissoudre restent vierges. Vos âmes indissolubles s'aimeront à travers les métamorphoses. Et le mage, prenant la main des fiancés, les unit, et scella leur alliance par l'échange d'anneaux d'or. À ce moment, une pluie de flèches partit des felouques, et un cinglement de grêle s'abattit sur le palais. Personne, par miracle, ne fut blessé. Mais ces longues flèches empennées s'enfoncèrent dans les murs et les portes, et vibrèrent cruellement. Un souverain sourire de mépris et de pitié empreignit le beau visage des princes. « Barbares !» murmurèrent-ils. Et sans peur, ils regardèrent pour la dernière fois les ennemis, le ciel et la mer, l'île. Le soleil n'était plus qu'au ras des flots. La clarté qu'il répandait encore s'allongeait incertaine. Une fraîcheur montait de l'eau, un frisson courut. Et le soleil disparut lentement, mirant sa dernière splendeur dans les yeux d'Orlys et de Férimonde. Les oiseaux cessèrent de chanter. Le crépuscule s'assombrit, et tous les rêveurs de l'île, princes et sujets, immobiles et silencieux, écoutèrent tomber la nuit. Quand elle régna, les mille vitraux de palais ensemble flamboyèrent, les portes s'ouvrirent grandes sur les salles illuminées pour le festin, et l'île entière, où de place en place des pins résineux allumèrent leurs torches, rayonna comme un grand feu de joie.